How'd you do? This is a show from Radio. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners. Each week, we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond. Artists, get on with it. S'il vous plaît. Très bien, un peu de concentration, on va pouvoir commencer. Je voudrais juste d'abord vous entendre, vous, là, à droite. Merci, très bien. À gauche, maintenant. Ok, vas-y, toi, là-bas. Oui, parfait. À toi, vas-y, vas-y, je t'écoute. C'est parfait, on va pouvoir commencer. Attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. She's called Louisa. Ik denk dat ze Inge heet. I think she's called Luisa. Clorinda. Ivana. Vladimirovna. Ik denk dat ze Inge heet. Ik denk dat ze naar de supermarkt gaat. Ke nahana hore lebitso la hae la mosadi o tsamayang o. Ke Ta jiao Lili. Majana. Madipuo. 2 3 4 5 Esmoha Iman Kira nai tabun atta koto ga aru ka do ka wakaranai kedo 10 11 12 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 今日本語喋ってるから日本から来てるかな。 je ne sais pas. Deux. Muskashine. She's coming home after work. Muskashine. Ona pridyot iz vokzala. Zdaleka. Ona buila v Irkutski. Makarske. آتت من بيت روحها حيث كانت في غدر البعد محبوسة الجمال أمامي يجعلني أمشي الجمال من خلفي يجعلني أمشي الجمال من فوقي يجعلني أمشي الجمال حولي يجعلني أمشي Lo importante es caminar. Uno, dos. L'important, c'est qu'il marche. What's important is to walk. Do ebutlawa ke khore ke tsamaye. 8 9 10 1 3 2 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 9 11 10 12 11, 13 14 12 15 13 16, 17 14, 18 15 19 16, 21, 17, 18, 19, 20. Kishiri ualeba uar, anida fashahuar, mayan kohi, trokouvri, ket yesurai. Kishiri ualeba uar, anida fashahuar, mayan kohi, trokouvri, ket yesurai. Uvata olechelai. Piękno przede mną sprawia, że idę. Piękno za mną sprawia, że idę. Piękno nade mną sprawia, że idę. Piękno pode mną sprawia, że idę. Piękno wokół mnie sprawia, że idę. Ga binnen in je vrees. En je zult je vrees overwinnen. Beh, paura del scoprire una persona che persona paura di persona che della quale lei si senta tirata ma persona paura di persona della quale lei si senta tirata ma persona che persona insegue paura da tempo persona paura e, paura di scoprire persona paura di persona della quale lei si senta tirata ma persona sì penso che lei abbia paura della sorpresa del della sorpresa sì del di scoprire chi è questa persona di in realtà sapere in realtà chi è questa persona. Ci sono due coccodrilli ed un orangotango, due piccoli serpenti, Un'aquila reale, il gatto, il topo e l'elefante. Non manca più nessuno, solo non si vedono i due unicorni. E un dio è che nella foresta andò e tutti gli animali volle accanto a sé. Il signore arrabbiato il diluvio manderà. Voi non avete colpa, io vi salverò. Ci sta un bel coccodrillo. Because she doesn't know the person she's going to meet, and she's wondering what's going to happen. Ja, binnen in je vrees, en je zult je vrees overwinnen. Kokonen is er niet, we gaan niet aan. Va dans ta peur, et tu vaincras ta peur. Ni zo hai pa de shi qi, in gai tu mien dui, zhe yang zai neng bu hai pa le. Ak ni sa le to hai pa di, me zhe hai re to ta nu mem. Skonfrontuj się ze strachem. Zwyciężysz go. El Jamalu amami yaj'aluni amshi. El Jamalu min khalfi yaj'aluni amshi. El Jamalu min fawqi yaj'aluni amshi. El Jamalu hawli yaj'aluni amshi. 太阳下山明早依旧爬上来花儿谢了明年还是一样的开我的青春一去无影踪我的青春小鸟一去不回来我的青春小鸟一去不回来别的那样哟呀别的那样哟我的青春小鸟一去不回来 1936 1984 1985 Куда идет? Конечно, домой. Может быть, никогда больше не видит свой муж. 1232 1233 1234 1235. Lo importante es caminar. Della sorpresa di quello che scopre in questo cammino che viene da lontano, in questo cammino che dura da tanto tempo, e quindi c'è una gioia di di vedere, di sentire, di... שהוא כרגע ביפן, היא לא ראתה אותה 8 שנים והם מתקשרים רק דרך מכתבים וגלויות. Porque oyó una canción en la radio que le hace reír. Ora tu ipontsa o bontsa lerato la hai a bontsa batho re ona le lerato ke ka ho a re bontsan le thabo la hai Pada musta paminaye pierwaya strecha s nim i pierwaya krasnaya roza Parce qu'elle est contente. Un de vacances idées. Selela magometlhano a masupa magometlhano a marobong magometlhano ma nne magomo a matselela magomo matselela nngwe magomo matselela robedi magomo matlhano a tselela robraro magomo 2,782,285 Makhomo matselela nngwe makhomo matselela robedi makhomo matlhano a tselela boraro makhomo tlhano nngwe makhomo matlhano supa makhomo tlhano robong makhomo matlhano nne makhomo a matselela makhomo matselela nngwe makhomo matselela pedi makhomo matselela raro makhomo matselela nne makhomo matselela tlhano makhomo matselela selela makhomo matselela supa makhomo matselela nne makhomo matselela robong מחומה אמא סופה מיליון מיליון 299 522 אלף 453 שני מיליון 223 אלף 748 חמש מיליון 983 אלף 117 53 מיליון 942 אלף 375 67 מיליון 203 381 2,782,495 Salve, salve, gran señora, salve, salve, inmensa madre. Salve, salve, dueña del cielo y del misterioso padre. Ik denk dat ze de straat moet oversteken. Akasilere çaki antanışmışlardı, şarkı hatırladı. Parce que de temps en temps, il faut faire des pauses. On a le mot à mitzang. Marabo, on a le mot à mitzang. Because she sees something that she wants to look at more closely. Porque le molestan los pies. מישהו קרא לה מאחורה נעמי, והיא פשוט קפאה במקום. היא לא הסתובבה אחורה. Teta, tarata, di repeta, panavang, yeteta, tabankio, tabankio, tabankio, le. Très bien. Alors voilà. Je m'appelle. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je viens de pas loin de là où tu vis. Je me suis souvent dirigée vers là où tu as dit. Qu'est-ce que tu as dit encore ? Je fais des pauses aussi, droit devant. J'ai peur aussi, comme toi parfois, de ce qui a été. De ce vers quoi je vais, c'est inconnu. Je marche. Et je m'avance. Devant. J'avance. Devant. Je marche. Devant. Je ne m'arrêterai pas de marcher. Devant. Je ne sais pas ce qui m'arrêtera. Enfin. Du moins. Il n'y a qu'elle qui m'arrêtera. Mais elle n'est pas encore là. Je marche énormément dans les rues de Bruxelles. Elle marche. Je parcours Saint-Gilles. Elle marche énormément. Cette semaine, je me suis rendue beaucoup sur... Ce n'est pas une habitude. J'ai beaucoup marché sur... En dehors de mon habitude à circuler en rond dans... Vie. Le parvis de Saint-Gilles, près de la porte de Halle, près de la gare du Midi. Dans le centre. Ça ne m'arrive pas souvent. Le centre. De temps en temps, sur la grande place, je place des pas. Et aussi régulièrement, je me rends au palais de justice. J'aime y aller car quand j'y vais, c'est comme si je contemplais la mer. La mer. Au loin, on aperçoit Kuckelberg. Je ne suis jamais allée au pied de Kuckelberg. En dehors de Bruxelles, il y a les plaines wallonnes, les plaines flamandes. Et il y a aussi, dans un petit coin, les Belges allemands. Je n'ai jamais compris les Belges allemands. À Bruxelles, à Bruxelles, je fréquente du monde de partout, du monde, beaucoup de monde. Mm-hmm. se prend l'élan d'un coin avec une banane. Et moi dans l'autre coin, en voyant son voisin. La fille du Bénoir se branlait dans un coin avec une banane. Et moi dans l'autre coin, en voyant son voisin, je branlais comme un âne. La fille du Bénoir se branlait dans un coin avec une banane. Avec une banane. Et moi dans l'autre coin, en voyant son vagin, je vendais comme un âne. Y'a une fille dans le foyer, entendu la fille qui chante. Y'a une fille dans le foyer, entendu la fille chante. End of transmission. Find us on the internet, radia.fm. Over and out.